Le comité sri-lankais pour la mémoire du président Gemelson à l'occasion du 23e anniversaire de son décès est constitué le 19 courant à Colombo. Il a décidé d'organiser les cérémonies comme le séminaire sur les exploits mortels du président Gemelson et du général Kim Jong-il. Par ailleurs, le comité pour la mémoire du camarade Kim Il-sung, grand leader, est constitué le 18 courant au Forum allemand anti-impérialiste.